émission autour de vous avec Laura sur Radio Gamezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Autour de vous. Après avoir fait connaissance avec Michel et Chris, je vous propose de nous intéresser à Hélène. Hélène, bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien quand on est à Gamezo. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Ah ! Eh bien, je suis née à Busson, donc une vraie Vosgienne à l'époque où les EHPAD étaient des maternités. Et pour des raisons professionnelles, surtout quand on est syndicaliste, j'ai dû m'exiler à Nancy, où je continue à habiter. En me partageant avec les Vosges, parce que comme tout Vosgien, si on voit passer le sapin, au bout de quelques jours ou de une ou deux semaines, c'est pas possible, c'est vital. Donc en fait, je me partage entre Nancy et les Vosges. Et bien sûr, ayant quelques heures de vol, eh bien, à présent, je suis à la retraite, puisqu'auparavant, j'étais travailleuse sociale. As-tu le cœur partagé entre la Meurthe-et-Moselle et les Vosges alors ? Oh non, pas le cœur. Le cœur, c'est c'est surtout les Vosges. Et puis la Meurthe-et-Moselle, la Lorraine, puis n'importe quel pays. Mais surtout, selon du côté où le cœur penche. Et je le dis franchement, mon cœur y pense à cause toute. Donc en fait, quel que soit l'endroit, on arrive toujours à trouver des gens sympathiques. Depuis quand tu es bénévole à Radio Gamezo ? Oh, ça, c'est la colle, quand on est mon compte pas. Si je te dis, c'est depuis notamment le moment... Alors, il y a eu... Non, bénévole, tu as dit bénévole. Donc, en fait, c'est quand j'ai fait une émission, ma première émission sur Radio Caraïbes Nancy, une radio partenaire avec Radio Gamezo. Elle s'appelait Les Vosges Samedi. Samedi, ça me plaît, c'est un jeu de mots parce qu'elle passe le samedi par ailleurs. Mmh. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris contact avec Radio Gamezo pour savoir s'ils étaient intéressés par cette émission, parce que je parlais essentiellement du secteur qui est couvert hors Internet, puisque avec Internet on peut écouter à travers la galaxie, mais qui était justement le secteur géographique des auditeurs de Radio Gamezo. Parce que je me mettais dans la peau de quelqu'un qui n'a pas de moyens de locomotion, et pour aller dans la nature, dans les Vosges, eh bien, le plus court chemin, en quelque sorte, qu'on vienne de Nancy, qu'on vienne de Metz, même au-delà, c'est avec le train, puisque le train arrive jusqu'à Remiremont, et à partir de Remiremont, le bus, mais c'est comme le train, ça fait partie du TER, va soit jusqu'à la Bresse, soit jusqu'à Busson. Et ça a été l'origine, d'ailleurs, à l'époque, ça a été l'origine de mes débuts dans la radio, à Radio Caraïbes Nancy, à cause de ce fameux sillon lorrain qui permettait d'aller dans les Vosges pour très peu cher. Il y avait, à l'époque, c'est en hiver, c'est comme ça que ça s'est passé, mais premier pas à la radio. Au niveau de la responsable de Radio Caraïbes Nancy, je lui dis, quand je pense que les gens, ils restent coincés à Nancy et que pour le prix d'une pizza, ils pourraient aller dans les Vosges se mettre au blanc, hein, puisque c'est en hiver, même sans faire de ski. Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'ils appelaient le ski pass, qui existe plus ou moins encore, mais ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'on payait 10, un ordre de grandeur, hein, on payait 10 euros aller-retour et on allait du sillon lorrain jusqu'au cœur même, à l'intérieur des pistes de ski de la Bresse ou de Busson, pour vraiment une petite dizaine d'euros aller-retour. Elle m'a dit « Ah bon ?» J'ai dit « Oui, mais ils n'en parlent pas. » Donc c'était uniquement les personnes qui étaient au courant, notamment les étudiants, enfin toutes ces personnes-là. Mais les gens qui avaient très peu d'argent, Eh bien, ils ne le savaient pas, d'autant plus que dans ces endroits-là, il y a des, c'est ce qu'on appelle des salles hors sac. On pouvait amener son pique-nique, être au chaud, et puis aller se balader. On n'était pas obligé de faire la queue à Armand-Pont ou quoi que ce soit. Elle me dit, ah bon, ben viens en parler. Et c'est comme ça que je suis venue à la radio. Et parallèlement, à l'époque, les subventions que l'on touche sur un petite partie de la publicité à l'époque de la privatisation de TF1, entre autres, de la chaîne de la Une, et puis quand il y a eu la mise en place des radios libres, comme Radio Guémouzeau, eh bien, subvention était aussi calculée en fonction aussi des émissions qu'on partageait avec d'autres radios. Donc ça faisait un plus pour la radio qui faisait une émission qui la partageait avec une autre radio associative. Et puis c'est comme ça que je suis venue à Radio Guémouzeau. Alors depuis quand tu es animatrice du coup? Pareil, je serais incapable. Je pourrais retrouver, je dirais dans les années, 90-95 à peu près. Oh là là, ça date. Ouais, c'est entre 25 et 30 ans en fait. Oh là là, ouais. Ça passe vite, hein. Ça passe vite quand on aime. Quelle qualité il faudra avoir selon toi pour devenir animatrice bénévole? Alors, ne pas stresser comme une bête. Non, je dis de ne pas stresser comme une bête parce qu'en fait, une émission, c'est vraiment un temps intense, surtout quand c'est un direct. Moi, je suis admirative pour les personnes qui font du direct, et y compris, alors là, je suis doublement admirative parce que Radio Guémouzeau, les animateurs ou les animatrices font aussi du direct en assurant la technique. Alors là, moi, je dis, je dis chapeau. Mais surtout, ça se passe jamais complètement comme on envisage au départ. Il faut ce côté spontanéité. Hein. Mmh. Et c'est vrai que des fois, votre invité, il n'arrive pas, ou la communication téléphonique, elle passe mal. Alors, les auditeurs ne le voient pas, mais s'ils voyaient la façon dont on essaye de récupérer le coup, etc. Donc, en fait, quelqu'un qui stresse, je veux dire, au bout de quelques émissions, il se fait un ulcère, quoi. Ah oui. Non, mais je pense qu'il faut être... Alors, d'une part, il faut être déterminé, cool, en même temps, hein, parce que ça demande beaucoup de concentration. Et puis, il faut être curieux, et puis croire en l'humanité, parce qu'on n'a que la voix. Hein. Mm-hmm. Parfois, c'est filmé. Moi, je trouve que ça apporte pas grand-chose de... Bon, qu'on fasse un trombinoscope, pourquoi pas. Mais je préfère que les gens, ils flashent sur ma voix et sur les voix, parce qu'on se fait son imaginaire, quoi. Eh bien, la voix, ça c'est fou, mais la voix, elle transporte bien plein d'émotions. Mmh, et si vrai. Quelqu'un a le sourire dans la voix, eh bien, ça fait toute la différence au lieu d'une personne qui dit « Bonjour, auditeur de Radio Guémouzeau », avec le moral dans les baskets. Non, mais ça, c'est vrai. Et ça c'est je pense que c'est un peu spontané. On peut le travailler peut-être pour les professionnels, mais la voix, ça fait quasiment tout, on va dire. Bah c'est ça, que tu sois professionnel ou bénévole, la voix, ça change tout. non, c'est vrai, c'est essentiel. Et puis, d'imaginer, c'est aussi un petit exercice, c'est-à-dire d'imaginer, là on parle, on n'est que les deux, mm-hmm. mais en fait, on est des centaines, peut-être même des milliers. Et d'essayer d'imaginer comment les personnes nous reçoivent, parce que dans ce studio, il y a des milliers de personnes en fait. Mmh. C'est aussi ce côté générosité qu'il faut avoir. Il ne faut pas se cacher. Quand on est animatrice ou animateur, on se fait plaisir. Ça nous demande beaucoup de temps. On paye de notre personne, on paye aussi parfois de nos finances. Mais en contrepartie, on a ce plaisir d'animer une émission. Mais ce plaisir, il existe vraiment si on peut partager des choses avec les auditeurs, si on peut leur donner des bons plans, des coups de cœur, des informations que s'ils écoutent n'importe quelle autre radio, y compris des radios publiques, qui nous passent payés par nos impôts, pour le coup, ce n'est pas leur la publicité, qui nous passe bien souvent de la daube, quoi. Donc, c'est pour ça, c'est de donner des informations, mais des informations qui ne nous plombent pas le moral systématiquement. Voilà, c'est cet aspect-là. C'est-à-dire que se dire aussi que, eh ben, il y a... par exemple, dans les Vosges, vous allez dans la forêt, vous voyez l'état de la nature, sans parler des feux qui ont eu lieu, consécutifs au dérèglement climatique, à l'activité humaine. Et puis en même temps, il y a tous ces chalets qui sont ouverts à tout le monde. Donc effectivement, moi, les émissions, c'est comme ça que je les envisage. De parler de quelques sujets qui sont vraiment pas sympathiques, mais en même temps de se dire que la vie, ça vaut le coup d'être vécu, quoi. Alors nous allons faire une première pause musicale avec un son que tu as choisi et nous continuerons de faire connaissance avec toi. Donc on vous présente Dominique Walter avec Les Vosgiennes. À tout de suite sur Radio Gémozo. Ils viennent de Saint-Dié, de la Bresse ou de Gérardmer, les excités de la montagne. Le froid n'est pas près de les congeler, à la Mirabelle ils se sont damnés, c'est leur carburant vital. Pourtant, on n'en fera pas des centenaires, car quand ils grimpent sur mes mers, ils assurent comme des malades. Et y'a que le soir après le boulot, le brame du Vosgien fait de l'écho, pour le plus grand plaisir des dames. Pourtant, que les Vosgiennes sont belles, comment ne pas être excité quand tombe culotte et jarretelle et tous les moineaux se mettent à chanter. Après 5 jours de labeur, le bon Vosgien se met en cœur pour une bringue infernale. Alors on sort le vin de groseille, maman se met le vernis aux orteils et papa son caleçon de bal. Et puis, dans la soirée bien avancée, le caleçon tombe sur le plancher, le Vosgien est de fort bonne race. Et puis, mesdames, vous vous remuez et tout le bazar est animé, ça élimine la matière grasse. Être excité quand tombe culotte et jartelle, tous les moineaux se mettent à chanter. Nous voilà de retour sur les ondes de RGM avec Hélène. Donc vous avez pu reconnaître une reprise, c'est une reprise de la chanson La Montagne de Jean Ferrat. Par Dominique Walter avec la chanson Les Vosgiennes. Pourquoi ce choix, Hélène ? Eh bien, parce que ça a été mon premier indicatif de cette émission, les Vosges samedi. Et c'est vrai que j'avoue que moi, j'ai été bluffée quand j'ai entendu cette chanson. Et c'est dans un bar, je sonne aussi dans les bars parce qu'il y a plein de choses qui se passent d'une façon fort sympathique. À l'Escale Verte, à Saulxures-sur-Moselotte aussi. Et puis, j'étais là, d'un coup, j'entends cette chanson, La Vosgienne, elle vient de sortir, en fait. Et c'est un client qui avait filé le CD au patron du bar. Alors, je lui dis, vraiment, c'est génial, cette chanson. Et en fin de compte, je lui dis, où est-ce que je peux le trouver ? Il me dit, non, pour l'instant, elle n'était pas sortie encore en CD, ce qui est maintenant le cas. Et donc, il me dit, si vous voulez, je vous le donne. Moi, j'étais hyper contente parce que vraiment, c'était une pépite, cette chanson. Et à ce moment-là, ben, je lui dis, ben, je vous offre une bière. Alors, je me souviens, je sais plus, il a pris une bière spéciale, ça m'a coûté une fortune. Mais j'étais contente. Et après coup, ben, Dominique Walter, il l'a dit, en fait, c'est un chanteur qui fait des textes, des mélodies qui sont très belles. Hein. Il tourne beaucoup avec Claude Vanoni. Et vraiment, il fait vraiment des belles compositions et des belles interprétations. Et il fait quelques parodies. Et celle-là, il l'a fait, mais vraiment sur un coin de table. Je crois qu'un aller simple, Nancy Paris, enfin disons les Vosges Paris. Et en fait, il disait, c'est cette chanson qu'il a cartonnée alors qu'il l'avait fait vraiment en un quart, enfin très peu de temps. Et ça a été chargé à l'époque sur Internet, je ne sais pas combien de fois. Et c'est... Moi, je la trouve drôle. Il faut la prendre, bien sûr, au cinquième degré, quoi. Mmh. Puis ça met un peu en valeur nos Vosges. Oui. Et puis de manière parodique, mais quand même. Et puis surtout, moi, j'ai trouvé surtout de prendre cette chanson de Ferrat, que la montagne est belle, c'est vraiment quasiment blasphématoire. C'est quasiment blasphématoire de faire une parodie de cette chanson. Et bon, c'est doublement drôle, quoi. Mmh. Alors, tu animes pas mal d'émissions ici. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, des autres émissions ou par rapport à Radio Guémouzo, alors il y a ma pépite. Ça s'appelle Grand Est, je t'aime en musique. Mm-hmm. Alors ça, c'est vraiment une pépite. Enfin, une pépite. J'espère que les auditeurs pensent que c'est une pépite aussi. Parce qu'au départ, ben quand, ben justement, en zonant, moi, j'utilise très peu Internet. Bon, quand il y a besoin, il y a des personnes très qualifiées, comme toi, Laura. Merci. Qui me permettent un peu d'aller sur Internet, récupérer certaines choses. Mais comme je zone, en fait, ben je découvre ben des artistes qui se produisent et systématiquement, j'achète leurs CD parce qu'en plus, ben, les artistes ils payent aussi beaucoup de leurs personnes en plus. Donc, j'achète leurs CD et puis je me suis rendu compte, quand on a un CD de quelqu'un, souvent on passe le même morceau en fait. Mm-hmm. On tourne souvent sur les mêmes morceaux. Alors, bien sûr, comme il y a des dizaines d'artistes, ça change quand même. Mais sur un CD, c'est souvent les mêmes morceaux. Et puis, je me suis dit, eh bien, tiens, pourquoi je ne ferais pas une émission où il y aura un thème décliné, un thème différent tous les mois, mm-hmm. et décliné avec des illustrations musicales des artistes du Grand Est. Et j'ai proposé donc à Radio Guémouzo de faire ce type d'émission, parce que là, pour le coup, j'avais pas d'invité. C'est-à-dire que... Alors donc, l'IA, hein, merci. Et moi, je pensais, je me suis dit, bon, je vais arriver avec ma pile de CD, je vais me mettre là face au micro, comme nous sommes. Et puis l'IA sera derrière dans le studio, à la technique, et mettra les CD et tout ça. Et elle me dit, donc j'arrive la première fois, et puis elle me dit, ben voilà, ça marche comme ça, comme ça. Mais je lui dis, je fais la technique. Elle me dit, oui. Alors, entre nous soit dit, hein, la partie technique... Bah, comme il y a pas, moi je ne pourrais pas faire, parce que quand on se concentre, quand il y a un invité, mais là je fais une petite partie parler sur le thème, mais sinon c'est les artistes du Grand Est qui sont mes invités, donc ça, par le biais des CD. Mais surtout, donc d'une part c'est pas un direct, donc s'il y a un petit plantage, bah, on peut le récupérer, mais surtout ce que j'ai découvert, c'est que passer des CD, c'est pas le plus important de la technique. C'est tout le travail informatique de masterisation qu'il y a derrière, de mise en onde. Mais alors là, je veux dire, on s'invente pas, quoi. C'est vraiment du professionnalisme. Et tous les quelques personnes dans les radios associatives qui maîtrisent cela, ce sont vraiment des professionnels. Et pour les auditeurs, il faut qu'ils... qu'on en ait conscience, c'est-à-dire que déjà, ben, les salaires, quand il y a salaire, parce que c'est quand même très, très, très peu, mais surtout, c'est d'une qualité technique. Il faut savoir des choses vraiment qui nécessitent des années et des années d'études supérieures, mais eux, ils sont formés sur le tas progressivement avec aussi des formations ponctuelles annexes. Mais c'est vraiment, ça s'improvise pas. C'est plus Radio Guémouzeau comme en 82 qui tenait l'antenne au bout de d'un bras, le long d'un ruisseau au-dessus de rue, enfin disons dans la rue, et qui s'appelle le Guémouzeau justement, le c'est l'origine. Ça n'a plus rien à voir avec ça, quoi. Et quand tu dis ça avec l'antenne, ça me fait penser à moi avec mes anciens téléphones portables quand il fallait monter en l'air pour capter quelque chose. On payait les SMS aux mots écrits et tout. Exactement, et que si on voulait écouter sa réponse quand c'était en messagerie, on repayait encore. Non, on s'étonne après que tous ces opérateurs-là, ils sont dans le 440 en peloton de tête, quoi. Alors pourquoi ce jeu de mots « je t'aime » en musique ? Parce que tu abordes chaque thème à chaque fois ou... Oui, voilà. Alors en fait, merci bonne étoile. Oui, grand test, je t'aime en musique, donc T-H-E-M-E. C'est un thème différent. Et maintenant, je suis contente, grâce aussi à l'IA, grâce à Drex, donc aussi une personne avec laquelle j'ai pu faire un certain nombre de modifications, parce qu'entre-temps, il y a eu le confinement. J'avais commencé cette émission avant le confinement, bien sûr. Le confinement dure, hein, 2020, donc j'ai dû commencer en 2019. Oui, c'est ça, en 2019. Là, pour le coup, j'ai les dates. Et puis, il y a eu le confinement. Alors, arrêt sur image, hein, le confinement, ça a stoppé beaucoup, beaucoup de choses, y compris des choses dramatiques. Et j'ai une pensée, par exemple... à la disparition, à la mort tragique de Rudy de l'Estaminet, que j'ai appris en écoutant une radio nationale, puisque Macron dit, ben voilà, il y a un restaurateur dans les Vosges qui vient de se donner la mort, et donc c'est très dramatique pour ce confinement. Bon, il oubliait de dire quand même que c'était consécutif aussi à une fermeture administrative de ses services. Alors, j'ai trouvé ça... d'une indécence totale, de prendre appui sur un drame comme celui qui était en train de se vivre, alors que c'était aussi, certes, il y avait la pandémie, mais il y avait aussi d'autres options qui avaient été prises par un certain type de politique. Et c'est vrai que, quand il y a eu donc ce confinement qui a stoppé un peu tout, et quand j'ai pu reprendre les grands tests « Je t'aime en musique », déjà, j'ai réalisé deux choses. Ben, il fallait que je sois beaucoup plus sobre. Les personnes, les auditeurs, ils ne sont pas là pour nous entendre causer dans le poste quand c'est une émission musicale. Et puis, il fallait que je reformate complètement l'émission puisqu'il y a des radios qui la reprennent et qui font des émissions de 55 minutes de façon à laisser 5 minutes éventuellement pour des messages d'intérêt généraux ou pour quelques-unes qui font un peu de publicité puisque les radios associatives sont autorisées à faire de la publicité, je crois, autour de 20%, enfin je ne sais plus. Mais c'est surtout des messages d'intérêt généraux. Hein. Et puis, il y a donc... des émissions qui font 60 minutes et puis tout ça c'est géré d'une façon informatique. Donc en fait il fallait que mes émissions s'arrêtent avant que le générique commence avant 55 minutes de façon à ce qu'il puisse être arrêté à 55 minutes ou se poursuivre si besoin. Et puis surtout il fallait faire sobre. Les premières émissions, je me souviens, je donnais les numéros de téléphone des artistes qui étaient sur les pochettes de disques, bien sûr, ou les sites internet. Mais je me suis dit, mais attends, les auditeurs, ils sont pas nuls. Hein. Si je dis Aïssat, bon, à la limite, je peux appeler le nom hein, une fois, mais ils vont avec leurs petits doigts, ils tapotent Aïssat, ils trouvent tout de suite, j'ai pas besoin de dire, je sais pas, 3W. Ou... Donc, il a fallu que j'épure tout ça, que j'épure. Pour faire déjà une première saison. Il y a déjà une première saison de Grand Est, Je t'aime en musique, qui commence à être reprise sur d'autres radios associatives, sur Radio des Ballons, sur Résonance FM, donc sur la Bresse. Et puis comme maintenant, il y a déjà une saison, donc 12 émissions avec 12 thèmes différents, Eh bien, je vais commencer à démarcher au niveau des radios associatives de Lorraine et puis ensuite d'Alsace, parce que je ne suis pas assez souvent, enfin, je ne suis pas trop en contact avec les radios associatives d'Alsace. Et puis, il y existe ce qu'on appelle la CRAL, la coordination régionale des radios associatives de Lorraine, qui aussi peut être preneuse de ce type d'émission. Justement, tu as abordé quel thème ? Je l'y sais par cœur. Non, mais c'est même à force de remettre sur l'ouvrage certaines émissions. Alors, en janvier, ce sont les saisons. Ça, donc, là, c'est la programmation de la saison 1. Qui est disponible via Gemuzo, alors sur un site, mais que tu pourras davantage dire, ou sur, enfin, je ne sais plus, la télévision, enfin, web, j'ai dû marquer, j'ai marqué... Archive aussi. Voilà, voilà. Donc, la saison, pour la saison 1, en janvier, ce sont les saisons. Je ne me suis pas foulée. Hein. l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Illustrer tout. Alors, tout est illustré par des artistes du Grand Est avec un ou une invitée hors Grand Est. Donc, d'une chanson. Ensuite, en février, ça tombe sous le sens, Saint-Valentin, c'est l'amour. Et j'annonce tout de suite que pour la saison 2, en février, ça sera encore l'amour. En saison 3, ça sera toujours l'amour. Parce que, en gros, c'est un thème qui est vraiment développé par beaucoup, beaucoup d'artistes. En saison 3, au mois de mars, j'ai pris, compte tenu justement de la Saint-Patrick, j'ai pris l'alcool comme thème. Alors, je n'ai pas pris toutes les drogues, puisque l'alcool, c'est une drogue dure, hein, mais j'ai pris l'alcool, qui est aussi bien illustré par certains artistes. En avril, c'est des jeux de, pas des jeux de mots, c'est des tiroirs qui s'ouvrent un peu laborieusement. C'est en avril, ne te découvre pas d'un fil, et qui dit fil dit textile, et qui dit textile, donc industrie, notamment dans les Vosges, entre autres, ou dans la mono-industrie. Et j'ai pris le thème du travail, alors que le 1er mai, c'est en mai, mais j'ai pris le thème du travail. En mai, justement, j'ai pris, qui dit 8 mai, c'est la guerre, etc. Mais j'ai pris les migrants, parce qu'il se trouve que sur les Vosges, il y a beaucoup de monuments, notamment au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont dédiés à tous ces soldats non français de l'Hexagone, dont les petits-fils ou les arrière-petits-enfants sont refoulés ou meurent en Méditerranée. Voilà. Donc j'ai pris en mai, j'ai pris les migrants. En juin, j'ai pris la musique. Fête de la musique oblige. En juillet, c'est les vacances, j'ai pris le Grand Est. Donc toutes les chansons qui ont trait à des villes ou à la région Grand Est. Au mois d'août, j'ai pris les voitures. Donc la saison 2, le pendant des voitures, ça sera le don d'organes, hein, puisque c'est quand même avec les accidents de voiture, entre autres, où on peut avoir des prélèvements d'organes utilisables, entre guillemets, dans le cadre du don d'organes. Ça sera pour la saison 2, le don d'organes. En septembre, j'ai pris l'école. En novembre, j'ai pris la guerre. Alors, d'abord octobre. Alors, octobre, j'ai pris les âges de la vie, bon, parce que je suis en octobre. Ça aurait pu être n'importe quel mois, mais bon, voilà. En novembre, j'ai pris la guerre, et là aussi, je suis hyper contente. Parce que j'ai pas la prétention d'avoir tous les CD de tous les artistes du Grand Est, bien sûr. Mais il se trouve que j'ai quelques CD de Claude Vanoni, et il a fait un sketch sur la guerre qui est très peu passé, très peu connu. Et c'est un peu comme la chanson de Brassens par rapport à la peine de mort, hein, Gare aux gorilles. On sait qu'il parle de la peine de mort à la dernière phrase de la chanson. Et ben c'est pareil pour la guerre avec Claude Vanoni. Donc c'est en novembre. Et en décembre, la consommation, ça s'imposait parce que derrière ces fêtes, entre guillemets, c'est surtout la fête de la consommation, de la surconsommation plutôt. Je l'appelais la consommation, mais c'est surtout la surconsommation, parce que bien sûr, il faut quand même consommer, enfin, manger pour vivre un peu. Voilà, donc la première saison, et puis la deuxième saison et commence à être engrangée grâce à Radio Guémouzo. Ah, super. Alors, quelles sont les différentes musiques que tu passes dans ton émission ? Est-ce que tu veux mettre en avant les artistes locaux ? Alors, quasiment principalement. Je dis quasiment principalement parce que parfois, dans une émission qui passera jusqu'en février, que vous pourrez retrouver en podcast, je l'ai appelée « Bête à plumes, à poils, à plomb », puisque je parle des animations notamment proposées par Oiseau Nature au plan d'eau de Remiremont. Avec aussi des explications pourquoi il ne faut surtout pas donner de pain aux volatiles, aux canards, ça peut même leur être fatal. Et puis la deuxième partie de l'émission, c'était sur la chasse, c'était hélas un épisode vécu très récemment. Au-dessus à Rue-sur-Moselle, et justement j'ai dit je pense que la personne avec qui j'avais une discussion on va dire un peu vive certainement n'avait pas bu que de l'eau de Buisson qui est ferrugineuse. je peux pas affirmer pour pas qu'il y ait de procès en diffamation, et puis j'ai pas donné de nom non plus, mais enfin les personnes se reconnaîtront facilement. Et j'ai passé Bourville avec l'eau ferrugineuse. Bon, voilà, des fois, je fais quand même, pour d'autres moments, on parle de... Disons, je vois pour d'autres musiques, d'autres chansons, peut-être tu m'as proposé, c'est vraiment sympathique de choisir quelques musiques, comme celles que j'ai découvertes dans le cadre d'une animation d'émission sur Radio Caraïbes Nancy. Je ne connaissais pas Kraftwerk. Comme je t'ai dit, tu as échappé en plus à Luftballoon. et Radioactivity, alors là, c'est complètement, c'est même pas français. Hein. Pour le coup, c'est pas français. Voilà, donc en fait, alors, il y a ce type de musique, les artistes locaux, des autres apartés, et puis, parce que parfois, l'humour, ça peut des fois le sourire du désespoir à certains moments. Moi, j'adore les parodies. Mm-hmm. Bon, on vient d'en voir une avec Dominique Walter. Et il y a aussi des parodies, notamment, je pense à des Frédéric Fromet, des goguettes. Donc, les parodies, parce que sous couvert d'humour, ils disent des choses essentielles. Comme on dit, il faut se mettre les rigueurs de notre côté. Et puis surtout, ils arrivent, et c'est vraiment, je pense que c'est ça, vraiment, c'est... Il devrait y avoir des monuments aux humoristes, pas de décédés, puis peut-être, et puis aux vivants. Parce que quand il y a eu, par exemple, quand il y a eu les assassinats à Charlie Hebdo, tout le monde était tétanisé. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à des choses comme ça ? Et puis après, Bataclan, mais on ne pouvait pas... Bon. Et c'est Frédéric Fromet qui a réussi avec une chanson humoristique de décoincer la gang qui on pouvait plus, c'était sidérant quoi. Ou quand il y a des choses ignobles qui sont faites dans d'autres pays, c'est important d'avoir des émissions à thème, et c'est vrai que sur Radio Guémouzo, je pense à des Michel Gravier, je pense à des personnes comme ça. C'est vraiment essentiel de donner des informations qu'on trouve, mais quand on sait où chercher, quoi. Parce qu'en plus, sur Internet, il y a vraiment tout et n'importe quoi qui peut des fois circuler. Des choses essentielles. Au niveau de l'écologie, vous avez Reporter, TE2RE, qui est essentiel. Et à côté de ça, vous avez d'autres informations qui sont financées par des groupes de pression et qui se présentent comme étant des articles de journalisme de fond, d'investigation, alors que c'est faux. C'est vraiment des groupes de pression. Donc ça, c'est pas évident de faire le partage dans toutes ces informations. Et c'est vrai qu'il y a des animateurs qui s'y collent, ou des animatrices qui s'y collent, il faut le souligner. Ou des sources d'informations, comme je dis, à la limite... je ne sais pas, sur le plan économique, vous avez dit Marcel comme alternative économique, vous avez comme fakir, tout ça. Sitôt qu'il y a un dossier qui est fait, nous, on n'est pas journaliste en tant qu'animatrice ou animateur. Et si on aborde un sujet qui fâche, il faut qu'on source nos affaires. Mmh. On ne peut pas se permettre de donner... C'est pas le café du commerce, quoi. Je veux dire, on ne peut pas donner nos ressentis comme ça. Si on dit des choses vraiment qui fâchent... J'avais fait une émission, entre autres aussi, qui est passée aussi en partie sur... Parce qu'il y a eu les... J'ai fait sur les deux émissions. J'ai fait le cacatar. Cacatar dans la haute de Saint-Nicolas, hein, puisque c'était la coupe de, le mondial. Je veux dire... La façon dont le mondial a été attribué au Qatar, avec aussi la mise en cause, pas encore en examen, mais il en sort, donc on va lui faire une pause de Platini, et puis je parle, et autres Sarkozy. Et Macron qui souligne que c'est très bien que Sarkozy ait pu attribuer le mondial au Qatar. Mais il faut savoir le dessous des cartes. Mais le dessous des cartes, si j'en parle, si on en parle sur une radio associative, on source avec des documents qui sont des envoyés spéciaux, qui sont des documentaires qui sont passés sur Arte, des dossiers qui ont été faits sur Fakir ou sur Mediapart. Enfin, c'est parce que eux, avant de sortir quoi que ce soit, ou le canard enchaîné, ou autre chose, ou alternative économique, avant de sortir quoi que ce soit, ils ont blindé leurs sources. C'est essentiel, nous ne sommes pas des journalistes. Et donc, si on dit d'abord des sujets qui fâchent, il faut qu'on aille se rencarder auprès de sources fiables. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de tes autres émissions. On vous laisse avec Kraftwerk et les Goguettes. Et on se retrouvera juste après sur Radio Gémozo. Thank you. Ok. Annule le resto, ma jolie. Tout ça, c'est fini. Je vais te faire kiffer ce week-end, ma jolie. Dans mon 9 mètres carrés, je te fais des raviolis. J'ai plus de gaz, chez moi c'est la bougie. Je cherche un pot de moutarde désespérément chez Aldi. Fini la fête, c'est Macron qui l'a dit. Ray-Ban sur la tête après 2 heures de jet-ski. Ça me laisse perplexe car quand je vois mes factures, faudrait que je disparaisse pour me serrer plus la ceinture. Voyager jusqu'à Aulnay-sous-Bois, le soir au Lidl, claquer son RSA. Fumer une grosse roulée sur le trottoir de chez moi. Faire le tour de l'Île-de-France dans un RERA. Paraît qu'en France c'est la fin de l'abondance. C'est la ruinance, c'est la ruinance. Moi j'ai de la chance, j'avais pris un peu d'avance. C'est la ruinance, c'est la ruinance. Paraît qu'faut qu'on rentre dans la sobriété. J'ai dû louper un truc, moi je croyais déjà que j'y étais. Mais j'ai cru voir dans le ciel un jet privé. En pleine canicule, des terrains de golf arrosés. J'ai ma banquière, hôtel plus souvent que ma mère. On dirait un nudiste tellement que je suis à découvert. Je prends un yaourt, je suis calé au resto du cœur. Je retire 20 euros, ma carte reste dans le distributeur. Paraît qu'en France, c'est la fin de l'abondance. C'est la ruinance, c'est la ruinance. J'ai plus de finances, même pour faire un lit d'essence. C'est la ruinance, c'est la ruinance. Voyager jusqu'à Choisy le Roi, faire un guide Michelin des agences Pôle emploi. Être dans le rouge quand vient le 5 du mois. Je te paye l'apéro, j'espère t'aimes la Bavaria. Paraît qu'en France c'est la fin de l'abondance. C'est la ruinance, c'est la ruinance. Mais ouf, par chance ça concerne qu'une petite frange. C'est la ruinance, c'est la ruinance. Nous revoilà avec Hélène sur les ondes de RGM. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, Orange Radio et Radio Line ou par l'application Les Radios Associatives. Alors Hélène, tu me disais hors antenne que le fait d'être animatrice radio, ça permettait de faire de belles rencontres. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ah ben tout à fait, tout à fait. Par exemple, la ruinance, c'était à l'occasion d'une manifestation. Il y avait une chorégraphie, il y avait ce rythme qui était excellent. Et ensuite, eh ben, j'ai pris contact avec la personne qui organisait cette chorégraphie. Il me dit, ça s'appelle la ruinance, etc. Alors... Ben, je suis allée voir, en fait, merci Drex, qui est à Radio Guémouzou. Et il me charge à la ruinance, et puis commence à écouter les premières notes, et il me dit, mais c'est la kiffance. Et moi, je ne connaissais pas, mais il me dit, c'est Naps, c'est donc ce groupe qui a fait la kiffance. Et il me dit, mais ça a cartonné sur toutes les plateformes. Et c'est à ces occasions, moi, la kiffance, ça ne me disait strictement rien, mais que, eh bien, grâce à un jeune homme, eh bien, j'ai pu découvrir aussi des autres pans de musique, notamment grâce à la radio. J'ai découvert davantage le rap. J'ai découvert aussi, donc, comme je disais au début, il faut être curieux quand on est animatrice ou animateur de radio. Eh bien, j'ai découvert tous les... Enfin, bon, pas tous. Un certain nombre de personnes qui ont des passions, des centres d'intérêt, puisque pour venir en parler derrière un micro, en invité, eh bien, il faut savoir de quoi on cause. Et ce sont des encyclopédies sonores, en quelque sorte. Et ça, c'est grâce aux vecteurs que nous proposent ces radios, notamment ces radios associatives, où ce n'est pas toujours les mêmes restaurateurs qu'on fait venir toutes les semaines. Et voilà, pour ceux qui écoutent d'autres radios publiques régionales. Mmh. Ah, tu m'as dit aussi que tu réalisais toi aussi des portraits d'animateurs. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, c'est le relais donc d'une. Alors, du coup, premier confinement, le confinement dur, il se trouve qu'à Radio Caraïbes Nancy, l'ancienne responsable de la radio avec un technicien, étaient les seules personnes présentes à l'intérieur des locaux, puisqu'il y avait même des radios qui avaient plus ou moins arrêté d'émettre, où on faisait des rediffusions de toute façon. Mais ce confinement, il a été très long, très dur, hein, il faut quand même se rappeler début 2020. Et au bout d'un certain nombre de mois, hein, puisque ça a duré, et il a eu l'idée, et donc elle l'a réalisé, cette idée, cette responsable de radio, de dire, ben voilà, on va téléphoner aux animatrices ou aux animateurs pour parler de leur centre d'intérêt, de ce dont ils veulent parler à la radio. Ça animera un peu, ça sera par téléphone, donc sur le plan sanitaire, ça ne posait aucun problème, etc. Et puis elle est partie, il y a une refonte en partie partielle donc de Radio Carême Nancy. Et à l'époque où elle ne pouvait déjà plus animer toutes ses émissions, elle m'a proposé de prendre le relais. Et en fait, maintenant, ça s'appelle donc cette émission qu'elle a appelée Kaléidoscope, dont l'indicatif est justement, c'est comme ça que je l'ai découvert, Radioactivity de Kraftwerk. Ça, c'est pour ceux qui ont fait allemand première langue. Hein. On était souvent un peu dans le cas dans les années 60. J'y étais aussi, moi, je ne sais toujours pas parler allemand. Non, mais bon, disons qu'il reste quand même, je ne dis pas toutes les déclinaisons, mais quand même, on n'est pas complètement en alphabète. Mm-hmm. Et puis. Si on va dans les chalets ouverts à tous, comme allume-feu, souvent, vous avez des Alsaciens qui amènent le DNA, les dernières nouvelles d'Alsace, et il y a des quotidiens alsaciens où ils font une petite partie en allemand, enfin en alsacien ou en allemand. Donc, on n'est pas complètement béotien quand on... Bon, en fait, c'est la traduction des titres qui sont en français, qui sont la page d'avant. Hein. Puis, il y a les photos, ça aide. Donc, en fait... j'ai repris cette émission que je fais quand j'ai la possibilité d'avoir un studio de disponible. Et quand il m'a proposé de venir, ça m'a fait sourire parce qu'en fait, c'est ce que je propose aux personnes. Parce que je l'ai intitulé l'émission en deuxième sous-titre, en quelque sorte. RCN, donc c'est un peu pareil pour Radio Guémouzeau, ouvre ses micros aux personnes qui font vivre Radio Guémouzeau. Alors, ça permet surtout... Alors, bien sûr, il y a les animateurs bénévoles et puis pour un certain nombre qui ont un certain âge, pour certaines personnes. Mais surtout, j'essaye de faire une fois sur deux, notamment tous ces jeunes gens, les services civiques, notamment les services civiques, ceux qui sont en formation par alternance, et d'aborder aussi leur autre centre d'intérêt. Et moi, je découvre plein de choses, parce que c'est très réducteur, on voit la personne quelques heures, mais en fait, quand la personne a le libre choix et de ses musiques, et d'expliquer. Et puis, il y a des fois des anecdotes, des choses tragiques ou sensibles qu'on ne pourrait pas soupçonner, parce qu'un animateur, il va pas parler de lui. J'ai souvenir d'un animateur qui avait des tas de choses à dire par ailleurs. Et à un moment donné, il met comme illustration sonore une chanson de Jean Ferrat, je crois, de mémoire. Et je lui dis pourquoi, comme tu viens de le dire. Il me dit parce que c'est la chanson que nous avons passée à l'enterrement de ma mère. Ah. Je lui dis, ah bon ? Il me dit oui. Et vraiment, il était encore sous le choc de l'émotion. Il dit, voilà, ma mère, elle était en train de mourir. Elle n'avait plus que peut-être quelques jours à vivre ou quelques heures à vivre. Et il est allé la voir, c'était juste avant la fête de la galette des rois. Et il dit, je savais qu'elle aimait la galette. Et j'ai proposé de lui apporter une part de galette. Et le médecin a dit, non, vous savez, avec son diabète, c'est quand même pas conseillé. Et en fait, elle est morte le lendemain. Elle est morte le lendemain. Et il s'en est toujours voulu de ne pas avoir pu enfreindre cette interdiction médicale, alors qu'elle n'avait que quelques heures à vivre. Et en fait, il me dit, lors de son enterrement, on a acheté une belle galette et tous les enfants, c'était une famille nombreuse, ils ont tous signé et ils ont mis la galette dans le cercueil. Et ça, c'est, et donc, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas inventer, qu'on peut, il ne va pas en parler dans les émissions. Et après, j'ai pensé à tous ces morts, alors qu'ils n'avaient plus que quelques heures à vivre, et à qui on interdisait de leur, venir leur tenir la main. Et les enfants, les petits-enfants, les conjoints n'ont pas réussi à faire le deuil, encore maintenant, de tous ces morts qu'on a laissés mourir. Moi, je dis, j'aurais fait ça à mon chien, j'avais un procès pour maltraitance, soi. Donc voilà, c'est des choses que l'on permet d'exprimer à quelqu'un en lui permettant de parler à l'occasion d'une émission comme celle que tu animes. Et je pense que c'est la même chose pour toi. Tu découvres les gens d'une autre façon que lorsque tu les croises dans les locaux de Guémousseau, je suppose. Bah c'est ça, puis j'ai voulu faire cette émission aussi pour montrer les coulisses de la radio, qu'on n'est pas juste là à parler derrière un micro, puis découvrir un peu la personne qui font ces émissions, qu'on n'est pas juste là pour faire divertir les gens, voilà. Voilà, divertir, voilà, c'est du pain et des jeux, et qu'effectivement, en plus, on peut faire... Déjà, d'une part, on peut divertir parce que c'est quand même important. Les bons plans gratuits, moi j'essaye de débusquer les bons plans gratuits. Il y a notamment tout ce cycle des abris forestiers ouverts à tous. Et je sors des flyers et j'ai rencontré des gens dans la nature qui me disent « Ah ben non, mais si vous parlez de ça, il y a tous les Nancéens qui vont venir. » Ben je lui dis « Mais attendez, déjà d'une part, il y a aussi beaucoup de Vosgiens qui ne connaissent pas obligatoirement toutes ces possibilités-là. » qu'on peut retrouver facilement sur les cartes et tout ça, les top 25, c'est vraiment, s'il y a un cadeau à faire, c'est offrir une carte, parce que là, c'est des années de vacances qu'on propose, de dépaysement, on va dire, aux personnes. Mais surtout, ça permet, c'est essentiel que les gens ils puissent prendre le temps de vivre, même s'ils n'ont pas d'argent. Parce qu'on parle des vieux, on parle des vieux au niveau... mais il y a vieux et vieux, il y a ceux qui ont... des revenus disons corrects qui leur permettent de vivre, puis il y a eux, ceux qui ont des revenus de survie, mais ceux qui ont, alors là en termes de catégorie, ceux qui ont surtout des revenus de survie, c'est la jeunesse en France de 18 à 25 ans. C'est ceux qui passent sous les radars. C'est d'ailleurs dans une émission sur France Culture Sous les radars consacrée aux politiques en direction de la jeunesse française que ils ont sorti des chiffres qui étaient sidérants, quoi. Et ça, alors là, on n'en cause pas, quoi. Ils passent sous les radars. Et c'est vraiment des choses... je me dis que si, à la limite, la personne, elle peut se faire une journée gratuite ou très peu chère, eh bien, plutôt que d'être coincée là où elle est coincée entre ces quatre murs, quoi, pour ceux qui ont un toit au-dessus d'eux, en plus. Voilà. Mmh. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Radio Caraïbes ? Radio Caraïbes, ben, c'est-à-dire que les radios, ce sont des radios associatives, elles évoluent aussi au fil des conseils d'administration qui animent ces radios, hein, parce qu'on entend les animateurs, on sait que derrière il y a des petites mains très qualifiées au niveau de la technique, mais en même temps ce sont des radios associatives. Et en fait, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si on a des locaux qui sont très bien, si on a du matériel technique qui est très bien, ce qui donne la valeur à une radio, eh bien, ce sont les personnes qui permettent à ce matériel d'être utilisé, et puis au contenu de ces émissions. Et ça, c'est vrai que c'est jamais acquis. Hein. C'est jamais acquis, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des radios, la devise de Radio Caraïbes Nancy, c'est le son de la différence. Et ben parfois, la différence, il faut des fois un peu la chercher. Quand je dis la différence, c'est la différence par rapport aux grands médias. En France, il faut savoir que les grands médias sont... Les propriétaires des grands médias sont les grandes fortunes. Donc, ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied. Ils vont faire du divertissement, hein, pour qu'il y ait une place de cerveau disponible, voilà, le moins possible, à la réflexion. Et c'est vrai que c'est important de faire dans le divertissement. C'est pour ça que moi, les parodies, je me fais doublement plaisir. C'est-à-dire que sous couvert de divertissement... On peut dire des choses. Parce que sinon, c'est vrai, quand on a tiré sa journée ou quand on a eu des journées vraiment pas terribles, c'est vrai qu'on n'a pas envie de se mettre devant un documentaire, quoi. C'est, moi, la première. Alors que, voilà, sous couvert de l'humour, ça permet d'avoir des informations et en même temps de sourire. Moi, la ruinance, ça dit plein de choses quand on écoute les paroles. Écoutez la kiffance, c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Là, pour le coup, c'est de la divertissement. En même temps, rendons à Naps ce qu'il y a à Naps, à savoir qu'ils ont créé une mélodie excellente. Mmh. Excellente. Avec des paroles... Ça, c'est autre chose. Mais en revanche, non, mais leur mélodie, elle est excellente. Et puis, en plus, l'abondance, ils offraient des morceaux de fromage, puisque l'abondance, c'est le Munster des Alpes, quoi. Mais, donc, c'est vrai que sans la radio, j'aurais jamais découvert Naps. Merci, Drex. Alors, tu as quel rôle à Radio Carib? Est-ce que tu es que bénévole ou est-ce que tu as d'autres rôles là-bas? Non, je suis un peu le poil à gratter à certains moments. Non, mais le poil à gratter, mais en même temps, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. C'est-à-dire qu'effectivement, si on dit des choses, il faut apporter aussi son concours. On peut très bien... moi, par exemple, j'essaye de dire, ouais, c'est bien beau de parler écologie et tout ça, mais si on ne recycle pas déjà ces déchets, si on ne les trie pas déjà dans les poubelles, si, par exemple, on me dit, Internet, tout ça. Mais alors ça, c'est un truc tout récent. Une recherche sur Google, alors c'était sur France Inter, certainement dans l'émission écologique de 14h à 15h, Restons sur Terre, pas Restons sur Terre, la Terre au carré. Une recherche sur Google, ça équivaut à une demi-bouilloire d'eau chaude. Bon, mais c'est des choses qu'on ne sait pas, quoi, si on ne vous le dit pas. Et quand on me dit, Internet, le numérique, mais c'est des emplois de services publics où il n'y a plus de personne en face des gens, quoi. Maintenant, je cause très difficilement du ce qui passe et tout ça. Tout passe par Internet et c'est une galère pas possible pour certains pour avoir un billet de train avec les réductions, etc. Plus j'en sais, parce que j'essaie quand même de me rencarder, plus j'en sais, plus je me dis que c'est compliqué. Mais pas uniquement pour les personnes qui maîtrisent moins le support numérique, mais également pour ce type de relations humaines, d'absence de relations humaines que ça crée. Et quand ils font, par exemple, une aide, je ne sais pas moi, pour ce pognon de dingue qu'on file alors qu'on subventionne, je ne sais plus à combien de centaines de milliards, les entreprises privées, sans savoir où vont l'utilité de ces recherches, enfin de ces recherches, par exemple, dans les milliards attribués à la recherche, par exemple, qui sont autant de bénéfices et dividendes accordés indirectement. C'est vrai que au niveau, par exemple, d'une aide, ils savent que s'il y a une aide qui est attribuée, c'est tellement un parcours de combattant, il faut avoir quasiment fait bac plus 5 pour pouvoir remplir le formulaire, qu'ils savent que déjà, ils ont 30% des gens, c'est calculé, qui ne en bénéficieront pas, quoi. Le logement, par exemple, je trouve ça sidérant qu'il y a encore des gens à la rue. Moi, à l'époque, j'avais de l'énergie. Je terminerai peut-être là-dessus, mais ça s'est passé à Busson. J'avais de l'énergie à revendre. Ça m'énervait. Il y avait le droit au logement, c'est une cause qui m'est vraiment très chère. Et en fait, j'ai fait une rénovation. Et j'ai fait une rénovation d'un immeuble. Je n'avais pas un centime d'avance. J'ai donc tout emprunté, plein pot et tout ça. Et au bout de 10 ans, donc j'ai fait une convention. Ils appelaient ça les logements très sociaux. Et en fait, pour que ça soit attribué, ce logement, à des personnes qui avaient peu de ressources, ou pas, des ressources de survie. En fait, dans ces logements, qui ont été utilisés pendant les 10 ans tout le temps, ça n'a été que des jeunes qui ne pouvaient pas se loger. Ça a été que des jeunes qui sont venus. J'ai pas eu besoin de faire de publicité ou quoi que ce soit, que des jeunes. Au bout de 10 ans, j'avais... Au niveau syndical, on a eu un gros problème dans l'entreprise où il y avait eu des détournements de fonds. Donc, j'ai arrêté cette expérience. Donc, j'ai revendu. J'ai fait une opération blanche. Je n'ai pas gagné un centime. Sauf que pendant 10 ans, ça a permis à 10 familles de se loger à très peu cher, comme au prix où nous, on payait quand on avait, il y a 50 ans, par exemple, alors que maintenant, il faut passer, mettre la moitié d'un salaire si on est payé au SMIC, dans un logement. Et surtout, ça a permis, c'était vraiment des opérations, les quelques subventions qui avaient été attribuées étaient largement redonnées en termes de TVA et tout ça. Et j'ai réalisé, alors que, je dis bien, hein, ça m'a coûté, j'ai gagné 0 francs, à l'époque, c'était, quand ça commençait, c'était des francs. Je n'ai rien perdu non plus. Ça a permis pendant 10 ans à 10 familles de se loger. Il y a eu une dizaine d'entreprises qui ont travaillé localement, donc ça pouvait, on ne pouvait pas délocaliser l'emploi. Et surtout, ça répondait aux vrais besoins des gens. Et j'ai réalisé, parce qu'avec les impôts de Remiremont, ils calculaient la TVA, enfin les impôts, bref, c'était eux qui s'en occupaient. Ils m'ont dit... Il n'y en a que deux qui ont fait ça sur les Vosges, parce qu'ils avaient dû refaire toutes leurs copies. Et sur la Lorraine, il n'y avait que 50 logements qui étaient créés. Ça ne coûtait rien à personne, si ce n'est de répondre à un besoin. Et maintenant, c'est de pire en pire, alors qu'on a les moyens de répondre à ces problèmes de logement. Donc, ça, c'est des... Voilà. Et après, ben, c'est vrai que la radio me permettait de m'aérer, et j'espère que les auditeurs aussi... Ben parce que je leur parlais, des, par exemple, des chalets ouverts à tout le monde. Parce qu'à un moment donné, bon, il faut faire des choses, mais il faut aussi s'aérer la tête. D'accord, alors cette émission est maintenant terminée. Hélène, merci d'avoir été avec nous. Merci Laura, merci Radio Guémouzeau surtout d'exister et de conserver son âme. Parce que c'est compliqué de conserver son âme pour les radios associatives. C'est vrai. Alors j'espère que via cette émission, nos auditeurs écouteront tes émissions et tes chroniques. Eh bien, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Non, c'est surtout, c'est vrai que moi, je suis peu sur Internet et tout ça. Mais quand j'ai l'occasion d'écouter certaines émissions de Radio Guémouzeau, je me dis, il faudrait que je me compile les émissions parce que vraiment, il y a d'autres animateurs. Il y a ceux aussi qui vous parlent de la culture, de la chanson française. Je pense à Georges Mangenoir, à d'autres personnes. Bon, vous êtes fidèle auditeur de Radio Guémouzeau. Vous les connaissez, toutes ces émissions. Certainement. Et je ferai aussi d'autres portraits d'autres animateurs pour que vous découvriez, auditeurs et auditrices, les coulisses de notre radio. Justement, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.